assez agréable de visiter les lieux pour avoir une petite idée. J'allais vous le demander. Eh bien, cher monsieur, venez, nous allons commencer par les fondations qui sont romaines et du plus grand intérêt sur le plan archéologique. Attention à votre tête, méfiez-vous des marches, elles sont glissantes. Cher monsieur, vous avez devant vous ce que je n'hésiterai pas à appeler un chef-d'œuvre de l'architecture militaire du 12e. Vous parlez Candide. Oh, vous savez, nos vieux aristocrates.